Le 19e floralie de Kim Il-sung-ya consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung sont ouvertes le 13 à l'exposition des Kim Il-sung-ya et des Kim Jong-il-ya à Pyongyang. À la cérémonie d'ouverture, ont pris part Kim Gi-nam, Yang Hyung-soo et le vice-premier ministre Chun Kwang-hong, les membres du comité d'organisation des floralies et les cadres des unités d'activité qui ont présenté la fleur d'honneur à l'exposition. Y ont également pris part les groupes de félicitations du 15 avril des ressortissants coréens, notamment les Coréens au Japon, conduits par le conseiller du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens au Japon, Kun Sun-hui, les délégations, les compatriotes d'outre-mer, les diplomates indonésiens en Corée, les membres de la société de patronage de la fleur d'honneur, ainsi que d'autres hôtes étrangers. Ce thème, Kim Il-sung-ya épanoui à la nouvelle époque de la prospérité de la patrie, les présentes floralies exposent des dizaines de milliers de fleurs d'honneur de plus de 80 unités d'activité, comme organismes des forces armées, ministères et établissements centraux, des militaires, des travailleurs, des jeunes et enfants. On y a également exposé les Kim Il-sung-ya empreints du respect envers le grand homme coréen des organisations des ressortissants coréens, surtout l'Association générale des Coréens restant au Japon, des compatriotes d'outre-mer, des représentations diplomatiques et des institutions internationales en Corée, des organisations d'amitié et de solidarité avec la Corée et des personnalités étrangères.